Article 2. Nul État, qu'il soit grand ou petit, ce qui est ici tout à fait indifférent, ne pourra jamais être acquis par un autre État, ni par héritage, ni par échange, ni par achat, ni par donation. Un État n'est pas, comme le sol sur lequel il est assis, un patrimoine. C'est une société d'hommes, qui seule peut disposer d'elle-même. C'est une souche qui a ses racines propres. Incorporer un État dans un autre État, comme on ferait d'une greffe, c'est le réduire de la condition de personne morale à l'état de chose, ce qui contredit l'idée du contrat originaire, sans lequel on ne saurait concevoir de droit sur un peuple. Chacun sait à quel danger l'Europe, seule partie du monde où cet abus se soit montré, s'est vue exposée jusqu'à nos jours par suite de ce préjugé que les États peuvent s'épouser les uns les autres. Nouvelle industrie, par laquelle on acquiert au moyen de pactes de famille, et sans aucun déploiement de force, ou un excès de puissance, ou un prodigieux accroissement de domaine. Par une conséquence du même principe, il est interdit à tout État de mettre des troupes à la solde d'un autre État contre un ennemi qui n'est pas commun à tous deux. Car faire ainsi, c'est employer les sujets comme des choses dont on peut disposer à son gré.